sont emmerdants. Là-dessus, peut-être que nous serons d'accord. Je dirais même plus, les super-héros ne sont intéressants que s'ils ont oublié leur paire de collants au pressing. C'est la raison pour laquelle Titeuf est un gamin aimable, cancre, sensible et qui dit toujours chiche pour les bêtises les plus magnifiques. Titeuf, personnage créé par Zep à l'orée des années 90, est connu dans le monde entier et ses albums sont vendus à je ne sais combien d'exemplaires. Le plus réjouissant, c'est que graphiquement, ce personnage pourrait se résumer de la façon suivante. Une boule avec une ligne jaune au-dessus. Zep n'est pas présent dans ce studio pour la sortie d'un nouvel opus des aventures de Titeuf. Vos enfants vous en auraient informé depuis bien longtemps. Je l'ai invité pour un travail où il se met en scène lui-même. Et ça n'est pas la première fois. Ça s'intitule Zep en tranche et on peut y lire les choses suivantes. Mon papa était ceinture noire de karaté. Mon pépé, champion de lutte. Et après des années, j'ai compris que l'hérédité ne suffisait pas. Et l'on constate avec dessins à l'appui que Zep apprit ensuite à distinguer les abdominaux en tablette de chocolat et les abdominaux avec tablette de chocolat à l'intérieur. Zep est l'invité d'Éclectique jusqu'à 10h. Bonjour Zep. Bonjour. Alors comme Titeuf est la superstar des cours de récré, on va commencer nous plutôt par un exercice de banc d'école. C'est dur là un mercredi. À savoir un problème de mathématiques, vous êtes prêts? Ouais. Alors, sachant que la surface du Salon du Livre est de 50 000 m² et que 1200 éditeurs sont présents, quelle est la surface disponible par éditeur? 80 m². Combien vous avez eu en maths au bac? Ouais, c'était pas très fort. Hein. Ah, c'est la moitié en fait. Ça fait 41,66666 m² par éditeur. Ouais. Sauf qu'en fait, au Salon du Livre, comme vous avez pu le constater... Il y en a qui ont 80 m². Voilà. Il y en a même qui ont beaucoup plus que ça. Il y en a qui ont beaucoup plus que ça avec des coupes de champagne. Mm-hmm. Et il y en a qui ont juste de quoi mettre une table avec des apéricubes. Mm-hmm. Je voulais savoir quel avait été vos premiers contacts avec le monde de l'édition. Mes premiers contacts, c'était avec la presse, en fait. Je suis allé présenter mes dessins dans des journaux, dans des rédactions. Et j'avais, je sais pas, 13, 14 ans quand j'ai commencé à faire ça. Donc on est assez impressionné parce que effectivement on arrive dans le monde des adultes. On a, la naïveté de l'enfance. On est sûr que nos dessins sont formidables et ils vont impressionner tout le monde et ils vont changer le monde. Donc je venais comme ça faire le pied de grue devant les portes de rédacteurs en chef qui me recevaient parfois. Il y en a qui étaient assez bienveillants, je trouve, qui prenaient du temps parce que le fait d'être jeune, c'est aussi ça aide. C'est-à-dire qu'ils ont un peu pitié ou ils se disent oh, quand même il faut être sympa, on va pas briser quelqu'un qui a 14 ans. Mais au bout de la deuxième ou troisième fois où je me présentais, là, ils commençaient à me traiter comme un adulte, c'est-à-dire qu'ils me disaient pas de carte. Non, c'est très mauvaise, la merde, faites un autre métier, disparaissez, on veut plus vous voir. Enfin, ouais. Et je pense que ça m'a donné justement, au lieu de me casser, ça m'a donné vraiment une envie de revanche. J'ai eu envie de, ne serait-ce que pour leur prouver qu'ils avaient tort, de revenir et une fois d'être pris dans leur saleté de journal. Et Titeuf est né dans un contexte un peu comme celui-là, de refus de presse ou de maison d'édition. Titeuf est né dans un mouvement de repli sur moi. Hein. Je présentais mes bandes dessinées un peu partout, j'étais publié dans Spirou, j'avais des pages qui étaient passées dans Fluide Glacial, donc j'avais un cursus assez classique quoi, de jeunes dessinateurs qui essayaient de placer ces pages à gauche à droite, et c'était la fin des années 80, début 90, où l'édition ne marchait pas très fort, donc il y avait un repli sur les vieilles valeurs, on ressortait Blake et Mortimer, on ressortait Barbe Rouge, on ressortait plein de trucs qui me semblaient moi complètement improbables et à des kilomètres de mon panthéon de la bande dessinée. Donc je me voyais mal faire ce genre de truc, j'arrivais avec des dessins et on me disait oui c'est pas mal mais ça vous intéresserait plutôt de reprendre un truc que lisait votre grand-père. Je voyais mal l'intérêt, donc petit à petit ça a cassé l'envie de travailler, pas de faire de la bande dessinée, mais de travailler dans la bande dessinée. Et je me suis acheté un gros cahier blanc et j'ai commencé à dessiner mes souvenirs d'enfance, parce que c'était l'âge où je m'étais promis de faire des livres quand je serai grand. Et je me suis dit, bon, là, je me suis menti, mais au moins je vais en faire un. Vous êtes grand là maintenant? Et là, je suis grand, ouais. Alors, il y a parmi les éditeurs, il y a Glénat, il y a Le Seuil, il y a aussi les éditions Christian Desbois, dans lesquelles vous rendez hommage précisément aux héros qui vous ont marqué. Et pour le Zoom de ce matin, parce que l'émission commence par un Zoom, Thomas Chauvineau s'est intéressé justement aux éditeurs qui ont des stands peu spacieux au Salon du Livre. C'est des apéricubes. C'est ça. D'accord. Donc, des éditeurs comme Esperluette, Quiconquoi, ou Les Oiseaux de Passage. Et Thomas, à cette occasion, a notamment rencontré Brigitte Cazot, des éditions Point de Suspension, et Isabelle Gautret, de Passage Édition. Et en fait, se balader dans les dédales du Salon du Livre, c'est un peu comme jouer à la bataille navale. Bonjour, je cherche le stand de B158. B158, mais c'est quel éditeur en fait? En fait, c'est plein de petits éditeurs indépendants qui sont associés. Celle-ci, sur votre droite, et vous allez tout au fond. Ok, merci. Au revoir. Je suis venu ici parce qu'on m'a dit que c'était le stand où, au niveau du mètre carré, il y avait le plus d'éditeurs. Ça, c'est vrai. C'est pas possible, en fait. Hein. C'est plus facile d'être vu à plusieurs sur un stand de 60 mètres carrés que dans un petit stand de 4 mètres carrés dans les coins. Voilà. Au départ, quand on commençait il y a 4-5 ans à se voir, c'est qu'on a chopé sur les mêmes choses. Alors quand vous êtes tout seul, vous dites je suis nul, je ne sais pas faire. Mais quand on est plusieurs, un certain nombre, alors on dit ou on est tous nuls, ou il y a un problème. Comme quoi par exemple? Ben, c'est montrer nos livres, parce qu'en fait, au stade où on en est, je veux dire, on fait l'effort, on produit des livres. Maintenant, ce qu'on n'a pas comme budget, c'est un budget de marketing, d'information. Par exemple, okay. Alors attendez. Je vais m'arranger avec une collègue pour la... Vous pourrez payer en carte bleue, en fait. Comment vous vous débrouillez? Vous allez emprunter la machine carte bancaire d'une collègue, c'est ça? Du fait qu'on soit organisé comme ça, ben on se relaie, on surveille le stand du voisin, on s'entraide. Et voilà, il y a partage de ressources. Ben oui, on fait la fortune du pot. Hein. Enfin, la fortune du pot, mais c'est vrai qu'à plusieurs, de toute façon, on négocie les stands en commun, oui. C'est aussi comme ça qu'on peut avoir un éditeur comme Frédéric, Zinc Édition, qui a une table, ce serait impossible ailleurs. Pour lui, c'est déjà un effort et il n'y a que nous qui pourrons lui permettre d'avoir une table. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tas de choses à dire et à faire et qui n'ont pas l'occasion forcément de le... Bon, si on ne va pas les chercher, ben, ce n'est pas évident d'avoir accès à l'édition quand on n'est pas du Sérail et quand on n'est pas soi-même un peu orienté. Alors que bon, là, les auteurs chez nous, ils sont guides touristiques, ils sont instituteurs. Bon, il y a un sculpteur, c'est pas forcément des gens qui sont destinés à faire de l'édition, mais quand même ils font des choses intéressantes et qui méritent d'être montrées, et donc du coup voilà. Mais Zinc Édition, c'est que des gens qui, enfin, personne ne gagne d'argent avec ça, sauf les auteurs qui sont rémunérés en pourcentage, mais bon, les circuits de diffusion, distribution, c'est plus de la moitié du prix du livre, donc là nous on n'a pas accès à ça parce que vu les tirages qu'on fait entre 500 et 1000 exemplaires, on ne peut absolument pas passer par un distributeur. On perdrait trop d'argent. Ça, donc on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte, on fait des salons, on fait quelques animations à droite à gauche. Bon, bah, c'est déjà très bien. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas très efficace comme méthode. On publie deux bouquins par an, ce qui est totalement insuffisant. Mais bon, ça nous va aussi. Mais comment vous faites pour vivre alors? Ah, bah, moi, je suis salarié, je suis graphiste ailleurs. Et votre mètre linéaire où vous pouvez poser vos livres, il vous coûte combien? Ça me coûte, je crois, entre 450 et 500 euros, je ne sais plus très bien, mais c'est dans ces eaux-là. Pour la durée du salon? Pour tout le salon, oui. C'est une somme quand même, surtout quand la personne qui est payée dans une maison d'édition. Alors, c'est une somme qu'on espère amortir en vendant les livres, ce qui est pour l'instant pas du tout le cas. Là, on est déficitaire, c'est sûr. Mais on n'est pas complètement déficitaire, c'est-à-dire qu'on a fait des rencontres avec des gens, des libraires, des bibliothécaires, des gens qui organisent des choses. Donc en fait, c'est peut-être un tremplin aussi. Si on persévère, je pense qu'on y arrive. Enfin, moi, j'espère que je vais pas m'arrêter là, quoi. Moi, j'aime pas ce terme de petit éditeur. On est des éditeurs, nous sommes des éditeurs qui produisons peu. Mais ce que je fais là, c'est personne ne le ferait. Vous voyez, vous devez regarder les livres un peu quand même. Vous ne faites que tenir le micro, vous savez bien. Éclectique.